الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الإسلام، لونج الله سبحانه وتعالى pour les bienfaits avec lesquels il nous comble. Et louange à Allah subhanahu wa ta'ala, matin et soir, en public et en privé, pour le bien de l'islam et de la sunna et de la voie de nos pieux prédécesseurs, douanullahi alayhim. Faisons Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure rencontre, les meilleures rencontres sont celles où on entend Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ont dit. Louange à Allah qui nous a orientés vers ses assises, car sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourrait rien faire. Inch'Allah, c'est notre deuxième rencontre autour de l'approche des sens de Sourate al-Baqara, la sourate la plus longue du Qur'an. Et le Qur'an guide vers toutes les voies du bien et oriente vers toutes les voies du bien, comme il est dit dans le verset « Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ». La traduction approximative du sens du verset nous dit, nous avons, certes ce Coran guide vers les meilleures des voies et vers toutes les voies du bien. Et nous avons vu certaines orientations de Sourate al-Baqara lors de la dernière assise. Et voici un certain nombre aussi des orientations de cette noble sourate. La fin de cette noble sourate concorde avec son début. Cette sourate a commencé par la première description du muttaqin, ceux qui préservent les droits d'Allah et qui se préservent du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en mettant en application ses ordres et en s'abstenant de ses interdits. Le verset qui les a décrits ainsi dans le début de la sourate nous dit « Alladhina yu'minuna bil ghaib » ceux qui croient en l'invisible. Et la sourate a été clôturée par cette même description. « Qala azza wa jal, aman ar-rasoulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun » كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. La traduction approximative du sens du verset nous dit: le messager a cru en ce qui lui a été révélé de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ces messagers. Les croyants disent, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et nous avons entendu et obéi. Seigneur, accorde-nous ton pardon. C'est vers toi que revient toute chose. Et là aussi, dans la fin de cette sourate, il y a la foi en l'invisible. Car la foi qui est l'iman, c'est la fondation. Pourquoi? Tout simplement parce que la foi, qui est la fondation de la religion, est la fondation de la religion. Quand il est enraciné dans le cœur s'apaise et se remplit de sérénité. et atteste de la véracité des promesses d'Allah et craint les avertissements d'Allah. Et patiente et endure face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi cela le conduira à être un soumis qu'Allah aime et agrée. La foi qui est l'iman ne consiste pas tout simplement d'attester la véracité. Il englobe l'iqrar qui est l'approbation, qui implique l'acceptation de ce dont on est informé et qui implique une soumission à ce que cela implique. Et à mettre en application les ordres que ça implique et s'abstenir de ce qu'il a interdit. Et d'attester la véracité de tout ce qui a été annoncé. Il s'y soumet complètement. Quant à l'attestation de la véracité uniquement, cela ne suffit pas. Abu Talib a protégé son neveu, et reconnaissait aussi que le messager d'Allah était prophète et qu'il était dans la vérité. Mais cela n'a pas été suivi d'aucune approbation et soumission, et cela ne lui a pas été utile, ni profitable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le sujet principal de cette sourate qui est sourate al-Baqara, c'est la succession sur terre. Et ce point est exposé dans cette sourate d'une façon éloquente, exceptionnelle, selon des étapes qui captent les raisons et qui captent les cœurs saints. Et parmi les sujets traités dans cette sourate, il a commencé par cataloguer les gens en trois catégories. Croyants, mécréants, hypocrites. Tout en clarifiant les caractéristiques de chaque catégorie. Et cela doit attirer notre attention que le fait de cataloguer, justement, de réfuter comme il se doit avec preuve, ceci fait partie de la religion d'Allah Azza wa Jal. Pour que se distingue le vrai du faux et le bien du mal. Cette description de ces gens, de ces trois catégories cataloguées dans, au début de la sourate, commence à partir du verset 2 et se termine au verset 20. Et on comprend à partir de ces versets que la distinction est demandée dans la religion d'Allah. Et le fait de cataloguer les gens est un principe religieux pour distinguer le vrai du faux, la foi de la mécréance, le monothéisme du polythéisme, la sunna de la bid'a, et ainsi de suite. La sourate traite aussi les expressions de la succession sur terre. La première expression de la succession sur terre qui a été traitée dans la sourate, c'est celle de notre père Adam, alayhi salatu wassalam. Cette expression, comme une introduction, était comme une introduction à la succession de la descendance d'Adam sur terre. Par cette expérience, il nous a été clarifié la haine et l'animosité d'Iblis. Celui-ci ne perd aucun moment pour combattre et égarer, lui et ses semblables, la descendance d'Adam. Et on ne peut être protégé de lui qu'en cherchant refuge auprès d'Allah, et puis en mettant en application ses ordres, et en s'abstenant de ce qu'il a interdit, et ceci est bien clarifié dans les versets, à partir du verset 30 jusqu'au verset 39, dans le début de cette sourate. La deuxième expérience de la succession humaine sur terre, exposée dans Sourate al-Baqara, c'est celle de Banu Israël. La sourate nous montre comment Allah a comblé Banu Israël de ses bienfaits. et comment il les a honorés et préférés, alors contemporains. Et subhanahu wa ta'ala, il a suscité parmi eux beaucoup de prophètes. Et il les a comblés de beaucoup de ses bienfaits. Et comment ils ont fait face à cela par l'ingratitude, la désobéissance, la mécréance et le rejet. Ainsi, ils ont négligé le dépôt qui leur a été confié et n'ont pas été à la hauteur de la responsabilité. Et cela est cité dans les versets à partir du verset 40 jusqu'au verset 123. Cette expérience se trouve là, entre le verset 40 et le verset 123. La troisième expérience de succession de la descendance d'Adam sur terre que nous clarifie cette sourate, c'est une expérience réussie. Il est concrétisé par le père des prophètes, alayhi salatu wassalam, qui est Ibrahim. Il a été vertueux, un vertueux exceptionnel et un guide merveilleux qui a réussi sa mission et qui s'est acquitté de son devoir comme il se doit. Et on voit ça dans, à partir du verset 124 jusqu'au verset 141. Dans la sourate, donc la sourate a commencé par la première expérience de Adam comme introduction à la succession sur terre de sa descendance. Et ici terminée par l'expérience réussie d'Ibrahim alayhi salam. Et entre les deux expériences, il y a eu au milieu une expérience perdante. Tout cela, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on prenne les leçons des erreurs commises par les communautés avant nous, et pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux, et pour ne pas tomber dans le même délire qu'eux, et tout cela est traité dans la première partie de la sourate. Puis dans la deuxième partie de la sourate, vient la clarification de la voie que doivent entreprendre les croyants, certaines législations, et tout cela dans un ordre qui correspond aux situations de la communauté et au tempérament des gens. Et ceci a commencé et s'est fait étape par étape. La première étape oriente la communauté à se distinguer des autres communautés et d'en être indépendante. Et ceci, à partir du verset 104 jusqu'au verset 141. La deuxième étape, il a orienté à être dans un juste milieu dans cette distinction. Il faut se distinguer, mais sans exagération et sans laxisme. Il y a un juste milieu. La troisième étape, qui est une épreuve de l'obéissance et de la mise en application. Et ceci à partir du verset 142 jusqu'au verset 150. La quatrième étape, détaillée dans cette sourate, le détail de la voie et des lois. Comme les lois suivantes. L'autorisation de la consommation de tout ce qui est bon, à l'exception des choses qu'Allah interdit. Et ceci, on va le retrouver entre le verset 172 et 173. Les lois concernant la criminalité, entre le verset 178 et 179. La sourate attire aussi l'intention sur l'importance du testament. Et ceci à partir du verset 180 jusqu'au verset 182. Dans la sourate, il y a la légifération de l'adoration du jeûne du mois de Ramadan. Et ceci à partir du verset 183 jusqu'au verset 187. Il y a aussi la légifération du combat sur le sentier d'Allah, qu'on va retrouver dans le verset 190, dans le verset 195, dans le verset 216 jusqu'à 218. Et il y a aussi dans la sourate la légifération du pèlerinage. Et on le retrouve dans le verset 189 jusqu'à 196 et dans le verset aussi 213. Et il y a aussi la légifération des lois de la famille en ce qui concerne le mariage. À partir du verset, dans le verset 221, la loi contre ceux qui font le serment de ne plus avoir de rapport avec leurs épouses. Le verset 226, qui concerne l'Ila. La loi du divorce, qui va commencer à partir du verset 227 jusqu'au verset 232. La loi du Khola, quand l'épouse demande la séparation. Et ceci, au verset 229. La loi concernant la viduité, la période que doit attendre la veuve et la divorcée avant de se remarier. Et ceci, on le retrouve dans le verset 228 jusqu'au verset 234. La pension alimentaire, dans le verset 236, 237 jusqu'à 241. La loi de l'allaitement et les règles qui gèrent la façon d'allaiter. La loi concernant les menstrues, versets 222 à 223. Donc, médite, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, cette évolution harmonieuse dont la législation que Allah, subhanahu wa ta'ala, à légiférer. Et cette évolution, on la voit à travers, en méditant la sourate et en méditant les autres sourates dans lesquelles il y a, on voit comment les choses viennent étape par étape. Et ceci ici est très important pour nous. On doit apprendre. Avec quoi on doit commencer? Je me retrouve devant un politiste qui veut se convertir. Je vais tout de suite le faire rentrer dans la divergence des groupes. Il faut qu'il sorte d'abord de la mécréance. Et ainsi de suite. Étape par étape. Et ne pas brûler les étapes, parce que quand on brûle les étapes, on tombe sur sa tête. Et on voit, pour l'accomplissement de la distinction, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. » La traduction approximative du sens du verset. « Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. » Pourquoi ? Pour se distinguer de ceux qui s'orientent vers Jérusalem. Donc, au bout d'un laps de temps de la résidence de l'arrivée du prophète alayhi salatu salam à Médine, il y a eu le changement de la direction de la prière pour se distinguer. Et concernant l'équilibre dans la distinction et le juste milieu dans celle-ci, on le voit dans le verset « Inna safa » وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. Les monts Safa et le Marwa comptent parmi les rites sacrés d'Allah, comme il dit dans le verset. Ibn Abbas, radiyallahu anhu arda, a dit que durant la période pré-islamique, il y avait des shayatines qui jouaient de la musique durant toutes les nuits entre Safa et le Marwa. Et entre les deux, il y avait des idoles. Quand l'islam est arrivé, les musulmans ont dit, on ne fait pas de parcours entre Safa et le Marwa, ô messager d'Allah, car c'est du polythéisme que nous faisions durant la Jahiliya, dire durant la période pré-islamique. Allah a descendu le verset, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا. La traduction approximative du sens du verset, il ne commet aucun péché à accomplir le parcours entre Safa et le Marwa. Pourquoi? Parce que ce sont des emblèmes de la religion d'Allah. Hein? Et donc, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque à être dans le juste milieu. Hein? Aussi dans Sourate al-Baqarah, on y retient aussi que la direction, ce n'est pas tout. S'orienter vers la Qibla, ce n'est pas tout. قال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, le bien ne consiste pas seulement à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, et à donner de ses biens, peu importe l'amour qu'on a pour celle-ci, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, et ainsi de suite jusqu'à la fin du verset. C'est une réforme complète, avec la distinction et une soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est une soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit au niveau des croyances, au niveau de la foi en invisible, et aussi au niveau de nos actes, et de nos rapports avec les autres, et de notre rapport, et du rapport de la fortune que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur notre responsabilité, et ainsi de suite. Donc, c'est une réforme complète qui appelle à la distinction et à la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la lecture de la sourate, on peut se poser la question. Quand on médite, on peut se poser, et ça peut éclairer notre esprit, la question suivante. Pourquoi les législations sont mélangées et ne sont pas ordonnées? La législation de la criminalité, puis après la législation de certaines adorations. Et pourquoi aussi la législation des adorations n'ont pas été citées ensemble, en dehors des autres lois? Ceci, à l'islam, comme l'ont clarifié les hommes de science, ceci pour qu'on comprenne que la voie de la religion englobe tous les aspects de la vie. Une autre question peut effleurer notre esprit. Pourquoi la législation familiale est venue après la législation des adorations? Car il est impératif, à l'islam, comme disent les hommes de science, de préparer les âmes et les cœurs par l'attachement à l'adoration et à l'accomplissement de la taqwa pour qu'il lui soit facile d'accepter les ordres et de s'y soumettre et délaisser ses coutumes. C'est pour cela qu'on remarque que ces versets se terminent souvent avec taqwa, avec l'accomplissement de taqwa, qui est le fait de mettre en application les ordres d'Allah et de s'abstenir de ce qui nous a été interdit. Et cela nous rappelle aussi que la science d'Allah concerne tout, l'apparent, le caché, comme dans les versets dans cette sourate. Cette sourate nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa science cerne tout. Et ceci est comme dans, hein, tous ces versets dans lesquels il y a l'appel à taqwa, souvent, il y a l'appel aux choses qu'il faut faire, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau de ce qu'il faut faire et de ne pas faire, se termine soit par taqwa, soit par nous rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Ce qui est apparent et ce qui est caché, ce qui est divulgué, ce qui ne l'est pas. Et là, tu y vas, tu relis le verset 231, 233, 234, 200, et beaucoup d'autres versets, tu te retrouveras avec tout cela. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, les comportements et les œuvres sont liés dans notre législation. Ils ne sont pas séparables. Les œuvres et les comportements sont liés. Leurs ordres viennent min Allah azza wa jal. Et tout ce qui doit être accompli selon son comportement. Cette noble sourate nous a exposé aussi l'histoire d'Otalot et de Jalot, Goliath et Salt. Il nous cite comment deux fractions de Banu Israël ont été dans la succession sur terre. La première a perdu à cause de sa peur de l'ennemi, en refusant le combat et en désobéissant à leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car ils ne voyaient la victoire que par l'aspect matériel, sans prendre en considération la foi et la soumission. La deuxième fraction de ces troupes de Banu Israël qui étaient avec Talot a réussi par la force de la foi et par la force de sa certitude et par la force de sa confiance en Allah et de par sa bravure et puis de par sa bravure et sa véracité, son obéissance à son prophète alayhi salam. Cette histoire confirme qu'il faut combattre et faire des efforts pour préserver la voie. Il prouve aussi que les lâches, les effrayés, ceux qui manquent de courage, ne sont pas bons pour la responsabilité, ni pour s'acquitter du dépôt qu'on leur confie. La noble sourate nous a exposé aussi la législation financière et économique, en détaillant certains aspects et en avertissant sévèrement contre le riba, l'usure, car il fait partie des grands péchés capitaux, notamment dans le verset 195, 215, 245, 254, 261, 283 et autres versets. Frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi les leçons à retenir de la sourate, la fortification des cœurs des croyants et l'augmentation de leur certitude en leur souverain pour que cela les aide à continuer leur chemin sur la voie qu'Allah aime et agrée. Et ceci, on le retrouve dans l'histoire de celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait mourir un siècle, puis il l'a ressuscité. Il est dit dans certains attars que c'est le prophète Uzair. Et aussi, cela est concrétisé aussi dans l'histoire de Nimrod et Ibrahim. Dans le verset 258, dans ce débat qu'a eu Ibrahim alayhissalam avec ce grand roi de cette époque. Et aussi, cela on le voit dans l'histoire d'Ibrahim, où Allah lui a montré comment il ressuscite les morts, dans le verset 260. Et aussi dans l'histoire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait mourir, il les a ressuscités. Parmi Banu Israël, dans le verset 243. Toutes ces histoires qui sont des histoires réelles, qui sont citées dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur lesquelles il n'y a aucun doute, prouvent la puissance absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et prouvent qu'Allah gère et fait ce qu'il veut dans cet univers, comme il le veut subhanahu wa ta'ala. Et ça, quand on le médite, frère Allah subhanahu wa ta'ala, ceci doit fortifier nos cœurs et fortifier notre certitude en Allah subhanahu wa ta'ala et notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des leçons à retenir, quand l'islam interdit une chose, il la change par quelque chose de mieux, toujours. Comme cela est clair dans les versets concernant riba, où Allah nous a clarifié sur le commerce et sur les prêts sans riba et sur l'attestation que nous devons écrire entre nous quand on écrit, quand on se fait crédit les uns les autres. Troisièmement, souvent on oublie ça. On se prend de l'argent et on n'écrit rien et on ne prend pas témoin. Alors que la sunna c'est tu me prêtes et on écrit, il y a des témoins qui témoignent de cela. La troisième leçon qu'on retient de Sourate Al-Baqarah, c'est la seule sourate où les cinq piliers de l'islam ont été cités en entier à travers la sourate. La quatrième leçon qu'on retient de cette sourate, la première qualité avec laquelle Allah a qualifié le Coran, c'est un livre sur lequel il n'y a aucun doute. La raïba fiyé. C'est un livre sur lequel il n'y a aucun doute. En cela, il y a le plus grand défi à l'humanité entière, à l'jinn et aux humains. Il y a tous les non-croyants. Aucun écrivain n'a osé recommencer son livre par ce défi et par stipuler qu'il n'y a aucun doute dans son livre. Personne, que ce soit parmi les croyants ou les non-croyants, personne n'a osé faire cela. Et personne ne pourra oser le faire. Et ça prouve le défi de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la puissance de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis sa révélation, le Coran est un défi pour l'humanité entière qu'il gêne avec. Il est défi d'y trouver une erreur. Et tous les semeurs de troubles et de doutes n'y sont pas arrivés en toute époque. La cinquième leçon à retenir, la première qualité avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié les croyants al-muttaqin. La qualité de l'muttaqin, il les a qualifiés comment? Avec la phrase qui suit. Comme quoi, ils croient en l'invisible. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Et aussi, dans la dernière qualité avec laquelle il a qualifié le muttaqin, c'est aussi leur croyance en l'invisible. Dans le verset « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون » Car, pourquoi? Car la chose primordiale dans la vie des humains et des jeunes, c'est la croyance. Et la croyance s'enracine dans le cœur. Le cœur, en plus, c'est l'endroit qu'Allah regarde. Hein? C'est pour ça qu'il est de notre devoir de demander constamment à Allah subhanahu wa ta'ala de réformer nos cœurs. Et de raffermir nos cœurs dans sa religion, comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas notre aspect, mais regarde nos cœurs et les œuvres que nous accomplissons. Il n'y a aucun doute que le motif des œuvres démarre du cœur. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit taqwa, il a répété trois fois, Avec son index, il désignait le cœur. Et taqwa, il est là. Et taqwa, il est là. Et taqwa, il est là. C'est-à-dire dans le cœur. Donc la racine de tout le bien ou du mal émane du cœur. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'occupe à réformer le cœur plus que notre aspect extérieur. Et la sixième leçon, Allah a donné des mérites à l'être humain par le savoir. Hein? قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, et il a appris à Adam les noms de chaque chose. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la science de la religion. Hein? Et la meilleure des sciences, c'est celle qui provient d'Allah. Car il est le créateur. C'est lui seul qui sait ce qui est bon pour ses créatures et qui sait tout de son univers et de ce qu'il contient. Rien n'échappe à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. La septième leçon à retenir, le repentir du serviteur, il est entre deux repentirs. Et ces deux repentirs lui viennent min Allah. Tawfiq. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le repentir. Il dit dans le verset, فَتَلَقَّ آدَمْ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ. Puis Adam a reçu de son Seigneur des paroles. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et après, l'acceptation du repentir. Hein? Et ceci dans le verset Fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Et Allah a agréé son repentir car il est celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Donc pour se repentir, la réussite vient de qui? Allah. Et qui l'accepte? Allah. Donc le repentir de la personne se retrouve entre eux. Ces deux points essentiels. Et cela, on le retrouve beaucoup dans le Coran. Et cela nous prouve quoi? L'immensité de la miséricorde d'Allah pour ses serviteurs. Car il est le plus miséricordieux de ceux qui font preuve de miséricorde. On commet des péchés, il nous facilite le repentir, et il l'accepte de nous. Hein? Et ça, c'est l'immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les leçons qu'on doit retenir, c'est qu'on ne doit pas s'étonner de l'absurdité de certains actes des humains qui, des fois, leurs actes sont insaisissables par la raison. Car il y a des gens dont les cœurs sont, plus durs que le rocher. Comme cela est stipulé dans le verset. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset. Puis, en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Et ils sont devenus comme de la roche, et plus durs encore. Et donc, il n'y a rien d'étonnant de toutes les absurdités et de toute la barbarie qu'on voit que certains commettent. Hein? C'est parce que les cœurs sont durs, insensibles à quoi que ce soit. La neuvième leçon qu'on retient, elle est dans le verset وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. La traduction approximative nous dit ma Adam, habite le paradis avec ton épouse. Certains savants disent le terme habite, oskon, qui a été utilisé ici dans le verset, en dehors de d'autres expressions, attire l'attention sur le temps court de la résidence au paradis à ce moment-là. Ah, d'Adam, car Adam a été créé pour que sa descendance succède les uns aux autres sur terre. La dixième leçon, ce qu'a dit Sa'di rahimahullah, celui qui délaisse l'adoration du miséricordieux sera éprouvé par l'adoration des idoles. Et celui qui ne dépense pas son argent dans l'obéissance à Allah, il le dépensera dans l'obéissance à Shaitan. Et celui qui ne s'humilie pas devant Allah, il s'humiliera devant les gens. Et celui qui délaisse la vérité sera éprouvé par le faux. Il en est de même des juifs, quand ils ont donné le dos au livre d'Allah, ils ont suivi les shayatin. Et cela est conforme au verset qui dit وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ. Et donc là, le sens approximatif du sens de ce verset, qui est dans Sourate Al-Baqarah, quand un messager leur est arrivé d'Allah et qui prend comme véridique le livre qu'ils ont entre leurs mains, certains parmi eux ont donné le dos au livre d'Allah. Ont donné le dos au livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas. Comme s'ils n'ont pas de savoir, alors qu'ils savaient. Et ils ont suivi ce que leur dicte Shayatin. Il a dit, rahimahullah, la sagesse d'Allah et le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour l'univers font que celui qui se détourne de ce qui est utile pour lui, alors qu'il avait la possibilité de le faire, se trouve éprouvé par ce qui est nuisible pour lui. Fin de citation des paroles de Sa'di rahimahullah. Et on retient comme leçon dans le verset « Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum » « Ô gens, adorez votre souverain ». Ce verset contient l'appel des créatures vers deux voies. Contient l'appel des créatures par deux voies. La première voie, l'accomplissement de la preuve par leur création et la création des cieux et de la terre et de la pluie. La deuxième voie, Allah Azza wa Jalla le rappelle d'une façon douce les bienfaits avec lesquels il les a comblés et leur rappelle leur devoir vis-à-vis de lui. Et il a cité en premier, subhanahu wa ta'ala, sa seigneurie, en leur rappelant qu'il les a créés, ainsi que ceux qui les ont précédés, et que le Créateur mérite à lui seul l'adoration. Et puis il a cité les bienfaits avec lesquels il les a comblés, et celui qui prodigue les bienfaits doit être adoré et remercié par l'accomplissement du taqwa, par le fait d'accomplir l'adoration exclusivement, par le fait d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Le but de ce verset 21 de Sourate Al-Baqarah, qui est le premier ordre dans le Coran, dans lequel se trouve la première interdiction, le premier ordre, réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. La première interdiction, ne lui donner aucun associé. Mais le but de ce verset, c'est l'ordre à l'humanité entière, les jeunes et les humains, de réserver le culte à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne lui donner aucun associé. فإن الله سبحانه وتعالى l'impact du Coran sur les cœurs et les âmes ne peut s'obtenir que par les sens qui s'enracinent dans les cœurs et qui imprègnent l'âme et qui vont faire jaillir la lumière dans les cœurs, cette lumière qui va apparaître dans les actes et les paroles de l'individu après. Mais tout va démarrer du cœur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les cœurs des nobles compagnons ridwanullahi alayhim pour le Coran, ainsi que leur raison, ils ont compris, ils ont conquis le monde connu à leur époque. Et celui qui veut connaître le secret du Coran doit chercher l'aide auprès d'Allah et faire des efforts à apprendre sa signification des savants de la voie des salafs et mettre en application ce que cela implique. Et comme je ne cesse de le répéter depuis 20 ans, pour atteindre ce but de la réelle compréhension, il est obligatoire pour nous de maîtriser la langue arabe, la langue du Coran, la langue de la Sunna. Peu importe le degré d'excellence de la traduction, il n'atteindra jamais l'essence profonde de cette noble langue arabe. Frère Allah subhanahu wa ta'ala, voici certains conseils de nos pieux prédécesseurs d'Allah concernant la compréhension et la mise en application du Coran. Et cela, on va le remarquer dans quoi? Dans les récits qui vont suivre, dans la réaction des nobles compagnons de ceux qui les ont suivis à la perfection. Un homme est venu voir Abu Darda, radiyallahu anhu wa Allah. Il lui a dit, mon fils a mémorisé tout le Coran. Il était content. Abu Darda a eu un malaise. Il lui a répondu, oh Allah, pardonne. Oh Allah, pardon. Pardonne, oh Allah. Il mémorise le Coran. Celui qui l'écoute, il lui obéit. Vous voyez qui est le mémorisateur pour les nobles compagnons? Celui qui l'écoute et qui le met en application. Ça, ce sont ceux qui ont compris. Ibn Saoud, radiyallahu anhu, disait, ce Coran est descendu pour qu'il le mette en application. Il se sont suffi de sa récitation. Et il a dit, il y a parmi eux certains qui récitent le Coran de la Fatiha à la fin du Coran sans perdre une lettre. Ils sont faire d'erreur alors qu'ils ont perdu sa mise en application. Vous voyez le baromètre, il est où? C'est dans la mise en application. Donc si tu veux te connaître réellement, par rapport à ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, regarde où t'en es des ordres que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran et où t'en es de ce qu'il a interdit dans le Coran. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, a dit, ne vous faites pas avoir par celui qui récite le Coran. Ce n'est qu'une parole qu'il prononce. Mais regardez celui qui le met en application. Votre baromètre ne doit pas être, le récitateur. Doit être celui qui met en application la parole d'Allah. Voyez ces orientations de nos pieux prédécesseurs d'Allah, comment ils sont. Fais-en Allah, subhanahu wa ta'ala. Nos pieux prédécesseurs, ridwanullah alayhim, nous ont donné de merveilleux sublimes exemples concernant la mise en application du Coran. Quand on les comprend, on s'arrête. On se pose, est-ce que c'est... Des fois, tu te dis, est-ce que c'est des humains? Tu vois, la question peut effleurer ton esprit. Mais bien sûr, c'est des humains. C'est des humains qui sont... qui ont été conçus dans les matrices de leur mère, pendant 9 mois et qui ont suivi la même, les mêmes étapes que tu es en train de suivre. Seulement, c'est des humains que Allah subhanahu wa ta'ala a élus, il leur a donné des cœurs particuliers. Des cœurs dévoués pour lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il les a choisis pour être les vizirs de son prophète. C'est pour ça qu'il en a fait 10 modèles pour nous, si on veut réussir. Sinon, il n'y a aucune réussite. Regarde ces exemples qu'ils nous ont donnés. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu arda, s'est venu au besoin de l'un de ses proches qui est Mistah ibn Athata. Car il était pauvre. Et quand Mistah ibn Athata a calomnié avec les calomniateurs Aïcha radiyallahu anhu arda, durant l'incident de l'Ifk, de la calomnie, Abu Bakr a dit, par Allah, je ne dépense plus rien pour Mistah. Allah a descendu le verset. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Le verset est descendu qui dit, dans la traduction approximative du sens du verset, que les gens honorables et fortunés d'entre vous ne jurent pas de ne plus donner aux proches, aux pauvres et à ceux qui ont émigré sur le sentier d'Allah, qu'ils passent autre, ils ne fassent aucun cas du tort qu'ils ont subi. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Allah est pardonneur et miséricordieux. Maintenant, écoute la parole d'Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr a dit, par Allah, j'aimerais qu'Allah me pardonne, et puis il a continué à s'y venir aux besoins de Mistah. Hein? Son œuf n'a pas pris le dessus. Ah non, il a calomnié, fait ikhlas. Hein? Et regarde ce que nos contemporains peuvent faire actuellement. Ma'qal ibn Yasar a dit, j'ai marié ma sœur à un homme, et il l'a divorcée. Et quand sa période de viduité est terminée, il est venu la redemander au mariage. Je lui dis, je te l'ai mariée, je t'ai honoré, je t'ai donné des meubles, et tu l'as divorcée, par Allah, elle ne reviendra plus à toi. Alors que sa sœur, que la femme, voulait retourner chez son mari. Allah a descendu le verset. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Quand il a dit ça, le verset est arrivé. La traduction approximative du sens de ce verset nous dit, lorsque vous repudiez vos épouses et qu'ils approchent du terme de la fin de leur période de viduité, reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les avec bienfaisance. Ne les retenez pas par peur de leur nuire. Vous tomberiez dans la transgression. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, ne le retenir pas par, pour le, hein, ne retenez pas par, pour le, ne les retenez pas pour leur nuire. Ça veut dire que le mari, il veut faire souffrir cette femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il la divorce. Et il attend une semaine ou quelques jours avant la fin de sa, de la fin de sa, de sa viduité, pour que la femme soit libre, il la reprend. Et il joue avec elle comme ça. Hein? Et ça, il n'y a aucune chose, quand quelqu'un ne veut pas reprendre sa femme, c'est faire du mal à autrui, c'est nuire à autrui et à la vie d'autrui. C'est pour ça que le verset dit ça là. Il dit, lorsque vous répudiez vos épouses et qu'ils approchent du terme de la fin de leur période de viduité, reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les avec bienfaisance. Ne les retenez pas pour leur nuire. Vous tomberiez dans la transgression et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas à la légère les versets d'Allah et rappelez-vous que les bienfaits dont Allah vous a comblé, ainsi que le livre et la sunna, il vous a révélé. Et rappelez-vous que les bienfaits d'Allah, que les bienfaits dont Allah vous a comblé, ainsi que le livre et la sunna qu'il vous a révélé, par lesquels il vous exhorte, et craignez Allah en préservant ses droits, et sachez qu'Allah est omniscient. Regarde maintenant Mi'qal quand il a entendu cela. Quand il a entendu ce verset, il a dit, j'écoute mon souverain et je lui obéis. J'écoute mon souverain et je lui obéis. Et il a appelé l'homme et il l'a remarié avec sa sœur. Hein? Pas d'hésitation, pas le fait de chercher à prendre la mouche pour ce qui s'est passé, etc. Khlas, le verset est arrivé, il a annoncé ce qu'il faut faire, j'obéis à mon souverain, et il a appelé, j'écoute mon souverain, et je lui obéis, il a appelé l'homme, il lui a remarié sa sœur. Et qu'on regarde, selon Zayd ibn Thabit, le messager d'Allah lui a dicté le verset suivant. Et là, on regarde, quelqu'un qui est aveugle, comment il est chagriné pour ne pas faire des efforts et lutter sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Le verset il est descendu disant, « La yastawil qa'iduna min al-mu'minina wal-mujahiduna fi sabilillah. » La traduction approximative nous dit, « Ne sont pas égaux les croyants qui restent chez eux et ceux qui luttent sur le sentier d'Allah. » Ibn Maktoum, le mudden du prophète alayhi salatu salam, a dit, « Ô messager d'Allah, par Allah, si je pouvais les tuer sur le sentier d'Allah, je le ferais. » Il était aveugle, radiyallahu anhu arda. Et Allah a révélé après, « Ghayra ouli darar. » Ce que veut dire, « Sauf ce dont l'infirmité et la maladie empêchent leur participation au combat. » Et l'histoire est relatée par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Ce qui fait que le verset, il a changé. Et il y a cette phrase qui s'est rajoutée, « Ghayra ouli darar. » Donc le verset, au lieu de dire tout simplement, « Ne sont pas égaux les croyants qui restent chez eux et ceux qui luttent sur le sentier d'Allah », maintenant il dit, « La yastawil qa'iduna min al-mu'minina ghayra ouli darar. Wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. » فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Le verset il a complètement changé pour faire l'exception à ceux qui ne peuvent pas, les infirmes, les malades, ceux qui ne peuvent pas, hein, lutter sur le sentier d'Allah. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, ne sont pas égaux les croyants qui restent chez eux, sauf ceux dont l'infirmité et la maladie empêchent leur participation au combat, et ceux qui luttent de leur bien et de leur personne sur le sentier d'Allah. Allah élève en degré ceux qui luttent de leur bien et leur personne par rapport à ceux qui restent chez eux. Et Allah a promis à tous les meilleures récompenses, al-husna, c'est-à-dire le paradis. Allah a favorisé les combattants sur ceux qui restent chez eux d'une immense récompense. Hein? Tu vois comment la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et regardez l'envie de cet homme qui était aveugle. Quand il a entendu le verset, ainsi étaient les nobles compagnons urdouanullah alayhim, avec le Coran. Et ceci, ce n'est pas que les hommes, ceci les femmes aussi. Les femmes des compagnons radhiyallahu anhum, quand leur mari revenait à la maison, elles les interrogeaient, est-ce qu'il y a eu des versets qui ont été révélés aujourd'hui? Hein? Et qu'est-ce qui a été révélé aujourd'hui? ils étaient intéressés aussi par la révélation. Ridwanullahi alayhin. Et on a à méditer l'ambition aussi du noble compagnon Ridwanullah alayhim, pour ne bien rater, quand ils s'occupent à chercher leur subsistance. Omar ibn al-Khattab avait un ami parmi l'Ansar. Ils habitaient aux hauteurs de Midi. Donc, pour aller voir le prophète al-Sahm, ils descendaient vers la mosquée. Et Omar ibn al-Khattab et cet Ansar se relayaient pour les assises du prophète. C'est-à-dire, le jour où Omar ibn al-Khattab va partir subvenir à ses besoins, travailler, etc., l'Ansar va partir chez le prophète. Et vice-versa. Et le soir, quand celui qui était chez le prophète revenait, il venait, il annonçait ce qu'il a appris, ce qui a été révélé, ce que le prophète a dit à l'autre. Ce qui fait qu'ils allaient aussi entre la recherche de leur mandat et ce qui a été révélé, la science du livre et de la sunna. Hein? Les nobles compagnons, quand ils se réunissaient, ils se retrouvaient dans une réunion, ou dans une assise, ou pour être invités chez quelqu'un, etc. Et qu'Ubay ibn Ka'b se trouvait au milieu d'eux. Ubay ibn Ka'b avait une belle récitation, une belle voix dans la récitation du Coran. Il lui disait, « Ô Abu Moussa, fais-nous rappeler Allah. Fais-nous rappeler Allah. » C'est-à-dire, récite pour nous la parole d'Allah. Hein? Et regardez combien de temps on se retrouve et dans quoi on passe le temps. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et sur le terrain de la da'wa, sur le champ de la da'wa, les compagnons récitaient le Coran en présence du kuffar, car ils savaient l'impact du Coran sur les âmes et sur les cœurs. Et ceci, on en a de grands exemples. L'exemple dans l'histoire du prophète alayhi salam avec Utba ibn Rabi'a, quand il lui a récité le début de Sourate Fussilat, les détaillés. L'histoire du Négus avec ses prêtres, quand Ja'far ibn Abi Talib leur a récité Sourate Maryam. Et les compagnons récitaient le Coran dans leur maison. Ils ne se privaient pas de la récitation du Coran dans leur demeure. Omar ibn al-Khattab, quand il rentre chez lui, il étale le mushaf et le lit. Une fois quelqu'un l'a visité, Omar l'a laissé seul pendant un moment, et puis à un moment donné, il lui a ordonné de le rejoindre. Et Omar lui a dit, j'étais en train de rattraper mon chapitre quotidien. C'est quoi le chapitre quotidien? La part de la lecture que nous devons faire dans une journée du Coran. Et le minimum, c'est qu'on doit lire le Coran une fois par mois. Ça veut dire à raison d'un chapitre qui est composé de deux hizb. Hein? Ça, c'est le minimum. Aïcha radiallahu anha a dit, je lis mon chapitre quotidien en étant assis sur mon matelas. Regardez les compagnons de Ridwanullah alayhim. Je lis mon chapitre du Coran en étant assise sur mon matelas. Le Hassan ibn Ali, l'un des petits-fils du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lisait son chapitre quotidien au début de la nuit. Et son frère le Hussein à la fin de la nuit. Vous imaginez cette maison où ils habitaient, où ils étaient. Dire, au début de la nuit, le Hassan il récitait le Coran. Et à la fin de la nuit, son frère. Et vous imaginez que Fatima, radiallahu anha, et Ali ne lisaient pas le Coran. Ce qui fait que cette maison, toute la nuit, il y a le Coran dedans. Hein? Et on a dit, on a interrogé Nafi', le serviteur d'Abdullah ibn Omar, en lui disant, qu'est-ce qu'il fait Abdullah ibn Omar quand il rentre à la maison? Il a dit, vous ne le pouvez pas. Vous ne le pouvez pas. Il a dit, l'odo pour chaque prière et la lecture dans le mushaf entre les deux. L'odo pour chaque prière et la lecture du mushaf entre les deux. Et encore, d'autres situations de ces nobles compagnons du pieux prédisseur d'Allah alayhim, et tout cela est relaté dans les livres qui concernent les mérites du Coran. Il y a certains livres qui ont été écrits par le pieux prédisseur d'Allah alayhim qui ne concernent que les mérites du Coran et les mérites des mémorisateurs et de ceux qui les mettent en application. Avant, on disait que les gens sont à l'image de leur gouverneur. Ibn Kathir, rahimahullah, nous rapporte certaines images dans son livre « Al-Bidaya wal-Nihaya » qui est un livre d'histoire, un recueil d'histoire sur plusieurs tomes. Il dit, comme l'ambition de Walid ibn Abdul Malik, qui était un Umayyad, était dans la construction, la population qu'il gouvernait s'adonnait à la construction. Et quand les hommes se rencontraient entre eux à son époque, l'un pose la question à l'autre, qu'est-ce que tu as construit? Hein? Et comme l'ambition de Sulayman ibn Abdul Malik était les femmes, quand les hommes à son époque se rencontraient, l'un dit à l'autre, tu as épousé combien de femmes? Hein? Mais quand l'ambition de Omar ibn Abdelaziz était dans la lecture du Coran, la prière, les adorations, les gens à son époque, quand ils se rencontraient, l'un dit à l'autre, combien de chapitres du Coran tu as lu? Et combien de chapitres du Coran tu lis par jour? Combien tu pries? Ou combien tu as prié hier? Et ainsi de suite. Hein? Il ne faut pas croire que cela qui se passait à l'époque d'Omar ibn Abdelaziz, que ce soit au niveau de l'ostentation, ça c'est une forme de motiver, forme de motivation. Hein? Ça, s'il ne le divulgue pas, la personne se pose la question, ils se discutent entre eux. Et ça, c'est une forme pour se motiver. Il n'y a aucun doute qu'il y a dans cela une motivation. Partant de là, frère Allah subhanahu wa ta'ala, on comprend que les honneurs, la suprématie, le pouvoir sur terre est dans la voie de ses pieux prédisseurs, wallah alim. Il ne sort pas de là. Ne te fais pas avoir. Il ne divise pas de leur voie. Tu vas vers ta perte. Allah les a fait triompher. Il aura donné la suprématie et les honneurs parce qu'ils ont fait triompher sa parole, subhanahu wa ta'ala, et ont accompli la religion comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. Ils ont fait triompher cette religion dans leur vie. La religion était toute leur vie. Ils l'ont fait triompher dans leur vie conformément à ce que veut Allah et conformément à ce que leur a enseigné le messager d'Allah. Et non selon leur passion, selon leurs désirs, selon les innovations ou selon les histoires à dormir debout. Ne te fais pas avoir à l'islam. Perds pas ta vie dans rien. Perds pas ta vie dans les futilités et dans la divergence avec les ordres d'Allah et de son messager alayhi salam. Et dans la divergence avec la voix du pieux prédisseur d'Allah alayhi. Attention à toi, car demain, tu seras devant Allah et tu devras rendre des comptes. Et demain, il est proche. Ne crois pas qu'il est loin. Il est très proche. Le temps qu'on passe dans cette vie n'est rien du tout par rapport à ce qui attend dans le delà. Si, ou les délices ou le châtiment éternel, l'un des deux. Et c'est toi qui choisis ici. Hein? Donc fais attention à toi.